Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Tanguy Pastureau. Salut Tanguy, comment tu vas ? Bonjour Sofiane, ça va bien et toi ? Ça va super, merci et merci d'avoir accepté l'invitation. Bah avec plaisir, avec plaisir. Je fais pas beaucoup de podcasts, donc c'est quasiment, je crois que c'est mon premier, donc c'est une nouvelle expérience. Eh bien, ravi d'avoir cet honneur. Alors, ravi d'avoir l'honneur de t'initier au monde du podcast. Dans mon podcast, ce sont les galères et les anecdotes qu'on a. Et toi, tu en avais justement une à me raconter ? Bah, alors moi, j'en ai plusieurs. Alors, j'ai pas vraiment galéré en tant qu'humoriste dans le sens où moi, je suis monté sur scène après 15 ans de radio et plein de chroniques télé. Donc, dans un sens, je veux pas dire que les gens m'attendaient, mais enfin, ils savaient qui j'étais. Donc, du coup, j'ai tout de suite fait des bonnes salles, etc. Voilà, j'ai pas galéré au sens où je passe des années à essayer de percer, etc. En tout cas, pas sur scène. Après, c'est pas vraiment une galère, mais disons que mes débuts ont été un peu spéciaux parce que j'ai un producteur, Christophe Meillant, qui part du principe que la première salle, d'autant que moi j'étais jamais monté sur scène, que la première salle, il faut vraiment que ce soit l'initiation, quoi. Donc moi, je savais pas du tout comment faire un spectacle. J'étais arrivé avec toutes mes feuilles et il m'avait pris une toute petite salle à Paris qui n'existe plus aujourd'hui, qui s'appelait La Cible. Si tu veux, la salle est en configuration circulaire, avec la scène au milieu qui s'allume par en dessous, avec les gens tout autour de moi. Donc, j'ai commencé dans cette scène qui est assez spéciale quand même, dans le sens où on a quasiment des gens derrière soi, en fait. C'est la première anecdote, c'est cette salle. Mais toute personne qui est passée dans cette salle en garde des souvenirs incroyables parce que c'est une école formidable. Hein. J'y suis passé moi-même, j'ai fait un spectacle. Bon Oui, oui. Et vraiment, c'était ah ouais, mais quasiment tous les humoristes y sont passés. Et c'était vraiment génial. Oui, et maintenant, Franck et Valérie, à l'époque, qui géraient. Oui, et qui sont au Bouffon Bleu à Angers. Voilà, le Bouffon Bleu à Angers. Exactement. J'en profite pour les saluer. Ce sont deux personnes. Ils font partie de mes plus belles rencontres artistiques, vraiment. Ah, bah c'est bien. Bah ouais, non, c'est vrai qu'ils étaient. Enfin, ils sont toujours très chouettes. Moi, j'ai fait le Bouffon Bleu aussi dans mon rodage de spectacle. Donc. J'en garde aussi un très bon souvenir, et notamment du public là-bas, parce que le Bouffon Bleu, c'est un peu excentré, quoi. On n'est pas au centre d'Angers, donc il faut quand même aller la trouver, la salle, quoi. Ouais, mais l'avantage qu'ils ont, c'est que c'est quand même accessible par le tram, donc oui, ça vrai, va quand même. C'est ça. Ça reste. Oui, non, mais c'est ça. Mais en plus, là, ils venaient d'ouvrir. Enfin, ils avaient ouvert il y a pas longtemps, donc voilà, la salle n'était pas encore. Ils n'étaient pas encore sur Google aussi. Ouais, c'est ça. Ouais, les gens les trouvaient pas, etc. Mais non, c'était chouette et c'est vrai que c'est un couple. Donc pour tous ceux qui ne connaîtraient pas, il y a quand même beaucoup de gens qui connaissent pas Franck et Valérie. C'est un couple qui a choisi de ne pas tenir un hôtel Formule 1 comme tous les couples, mais une salle de stand-up et de comédie en règle générale, quoi. Et moi, je trouvais ça dommage qu'ils partent déjà de Paris. Bon, ils ont fait leur truc à Angers, c'est très bien. Mais là, récemment, il y a quelqu'un qui m'a envoyé une photo de cette salle et aujourd'hui, elle est fermée. C'est terminé, ils vont faire autre chose. Je crois que c'est une réserve actuellement. Ils entreposent des trucs. Et c'est toujours dur quand on commence, je trouve, dans un endroit, de se dire que l'endroit n'existe plus, quoi. Que c'est fini, et que personne ne passera derrière. Et que la petite légende, parce que ce n'est pas une légende, c'est une petite salle, mais que la mini-légende qui s'est construite autour de cette salle va s'arrêter là, quoi. Et moi, ça me fait de la peine, mais voilà. Oui, ouais, c'est un endroit où on a passé une partie de nos vies et tout. Tu y as joué longtemps ou pas ? Moi, j'y ai joué quand même 6 mois, c'est-à-dire de février au tout début de l'été 2018. Moi, je n'étais jamais monté sur scène, donc c'est vraiment, je suis arrivé avec mes papiers, je ne savais pas le texte parce que je ne savais même pas comment apprendre un texte. Enfin, c'était un... je pense que c'était rock'n'roll. Hein. Bizarrement, il y a des gens qui m'envoient des messages en me disant « on vous a vu à cette époque-là, c'était chouette ». Mais je ne sais pas si elles disent ça pour rire ou si c'est vraiment pensé, parce que maintenant, je me dis, ça ne devait pas être très, très... enfin, visuellement, ça ne devait rien donner, quoi. Voilà. Oh, je pense que c'est sincère, ce compliment. Et puis, je ne sais pas. Bah, les gens qui t'ont vu sur cette scène, ils t'ont vu en live, donc il y a la force du live aussi. C'est le plaisir, tout ça, c'est un exercice complètement différent. Après, toi, étant habitué aux chroniques télé, radio, tu as dû t'habituer à du travail efficace et vraiment millimétré, alors que la scène, il y a un petit lâcher-prise qui fait que peut-être tu te sentais insatisfait, mais je pense que le public a apprécié quand même. Ben, j'étais complètement insatisfait. C'est-à-dire que pour moi, c'était vraiment le truc qu'on ne peut pas gérer. C'est-à-dire que 50% du spectacle, sont les réactions du public et on laisse le public décider de comment va être la soirée dans un sens. Donc voilà, c'est assez, euh, c'est quand même assez spécial. Et moi, je ne connaissais pas ça. Je connaissais le public des talk-shows télé où il y a un chauffeur de salle qui dit quand applaudir et quand c'est drôle. Donc, même si on est, les fois, on n'est pas terrible, tout le monde est mort de rire sur le plateau. Donc, on se dit, je suis le roi du monde. Et là, on réalise vite que ça va être un petit peu plus compliqué quand on arrive sur scène parce que ce n'est pas du tout le même cas. Voilà, les gens, s'ils n'ont pas envie de se marrer, même s'ils vous aiment bien, hein, bah, ils ne se marrent pas et puis c'est terminé, quoi. Bah, donc, c'est une sanction immédiate, c'est une sanction immédiate et sincère, quoi. Est-ce que tu n'as pas pensé à débaucher le chauffeur de salle pour l'amener avec toi à la cible? Non, même pas. Non, il aurait pris trop cher, c'est le chauffeur de salle d'Arthur. je pense à, non, c'était Ardisson à cette époque-là. J'étais chez Ardisson dans les Terriens du dimanche. Donc, non, on n'est pas sur des gens qui vont se libérer une heure comme ça pour aller à la cible. Ça aurait été trop marrant que tu fasses tes blagues et que lui il lève des panneaux drôles. Ouais, un peu comme dans les talk shows américains, on voit ça, ouais, effectivement. Voilà. Oui, mais alors, en même temps, ça t'a donné une expérience du terrain, du vrai. C'est-à-dire là, l'avantage, c'est que tu as plusieurs cordes à ton arc. Aujourd'hui, on t'appelle pour un spectacle, tu es capable d'y aller. On t'appelle pour une chronique télé ou radio, tu es là. Tu vois ce que je veux dire? Ça t'a permis de. Tu sais, c'est pas comme les personnes qui vont te dire moi, je ne peux pas monter sur scène, c'est impossible, machin. Non, toi, au moins, tu sais que tu l'as fait, c'était dur, mais aujourd'hui, tu es armé et tu reculeras pas devant le challenge. Non, puis bien sûr, puis la tournée là, va continuer dès la réouverture, dès la fin du Covid. Enfin voilà, on est sur une bonne lancée. C'est le même spectacle d'ailleurs que je termine là. Il me reste une année de tournée que celui que j'ai entamé à la cible. Alors bien sûr, il a évolué à 80%. il en reste plus beaucoup, hein, je crois, du spectacle initial. Mais en tout cas, voilà, c'est le même thème, c'est le même truc. Donc, bien sûr, c'est Tanguy Pastureau n'est pas célèbre. Voilà, c'est ça. Où je conseille aux gens de ne pas devenir célèbre, quoi, de rester anonyme, parce que la célébrité, c'est un enfer. Bah écoute, jusqu'à présent, j'ai suivi ton conseil. Eh ben voilà, et ça marche. On est ça bien. Ça marche. Voilà, donc surtout, il ne faut jamais réussir. Et non, mais je trace des parcours de gens célèbres en expliquant à quel point ça peut être parfois compliqué quand même. Et moi, je croise beaucoup de gens, on va dire célèbres, quoi, à la radio, à la télé, des invités. Et finalement, il n'y a pas tant de gens que ça qui sont extrêmement heureux dans la vie parmi ces célébrités. Donc, ça amène à se poser aussi des questions, quoi. Est-ce que vraiment il n'y a que ça ou il faut autre chose peut-être pour être un peu heureux, quoi. D'accord. C'est vrai que la célébrité, c'est complètement une autre vie. Moi, je pense à toutes les superstars qui ne peuvent pas faire un pas en dehors de chez elles et même chez elles sans qu'il y ait des paparazzi autour et tout. Ce n'est pas une vie, quoi. Ben non, c'est ça. On pense à Britney, on pense à, tu vois, c'est incroyable. À Gérard Larcher, voilà. Oui, alors, excuse-moi, j'ai pas osé citer Gérard parce que je me suis dit que c'était trop au-dessus du lot, tu vois. Oui, c'est ça. Je voulais donner quelque chose. Je voulais donner quelque chose de proche du peuple. Voilà, Britney Spears, c'est très bien, très très proche. Alors après, j'ai réfléchi à des anecdotes. Et je pense qu'il y a une anecdote qui doit revenir pas mal. J'ai pas écouté tous les podcasts, mais c'est quand on est en tournée, justement, on arrive comme ça à la gare, quoi, du près du lieu où on va se produire. Et puis, y a toujours quelqu'un de la salle qui vient nous chercher en voiture, quoi. Et alors, parfois, il arrive que ces gens conduisent quand même assez mal, dans le sens où on se dit, est-ce que je vais arriver vivant à la salle? Je pense notamment quand on se produit en Savoie ou dans les Pyrénées, où les gens, eux, connaissent les routes de montagne. Ils savent qu'il n'y a pas de souci, ils savent prendre les virages, etc. Mais nous, quand on est à côté et qu'on voit le ravin en dessous et qu'on voit le type lancé à 90 sur une route où normalement on est à 75, moi, j'ai vécu une anecdote comme ça, c'était en Bretagne. Pourtant, c'est ma région, donc j'ai plutôt tendance à avoir un a priori positif. Mais il y a une dame, je ne dirais pas de quelle salle évidemment parce que j'ai pas envie de mettre cette pauvre dame à l'amende, mais qui est venue nous chercher. J'étais avec le producteur et le régisseur, on était trois, et à un moment elle a carrément grillé un stop et il y avait une voiture là qui arrivait dans le sens inverse, et on est passé, je pense, à 2 centimètres l'un de l'autre, quoi. C'est-à-dire que le type s'est arrêté, il a klaxonné comme un fou, et la dame au volant, on voyait même pas le problème véritablement. Elle se disait, qu'est-ce qui se passe, pourquoi on klaxonne? Enfin là, on a réalisé qu'on était quand même en voiture avec quelqu'un qui était dans un autre monde, une autre dimension, quoi. Et ça, c'est toujours assez marquant parce que, en fait, on se dit que parfois ça tient à rien, quoi. J'aurais pu mourir ce jour-là sur une route de Bretagne. Alors, sur une page Wikipédia, ça fait pas mal, quoi. Surtout quand on est breton et tout, donc il y a un côté identitaire et tout qui est chouette. Mais quand même, il y a parfois des grosses frayeurs, quoi. Je trouve que quasiment le truc à négocier avec les salles, c'est qui va venir me chercher. Est-ce que la personne a son permis depuis un certain temps? Et est-ce qu'elle voit? Est-ce qu'elle a une belle vision? Est-ce qu'elle prend des substances ou pas? Peut-être de l'acide. Voilà, il faut vraiment se méfier parce que parfois, il y a quand même des rencontres qui sont assez compliquées, quoi. Voilà, et ben, ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont vécu ce moment de peur quand même dans, entre la gare et la salle dans une voiture. Bah, moi, je l'ai vécu en fait quand j'ai joué dans le Vercors. On était parti vraiment dans le massif du Vercors et tout à fond. La voiture, tout ça, moi, j'étais en panique. Et le mec me disait non, t'inquiète pas, j'ai l'habitude. Et en effet, il avait l'habitude et c'était pas dangereux du tout pour c'est lui. Ça. Mais moi, voilà, pour mes yeux inexpérimentés, vraiment, c'était flippant. Quoi. Mais ah bah, on n'a pas le même ressenti, ouais. Ah oui, bah oui, et pour en revenir à la Bretagne, étant donné que les Bretons sont très fiers et tu vois qu'ils aiment bien avoir leur propre truc et tout, est-ce que tu penses pas qu'il existe un code de la route breton que la dame suivait et dans lequel les stops n'existent pas? Ben, c'est possible, mais alors l'autre voiture ne le connaissait pas parce qu'il avait l'air quand même très très énervé, le monsieur. Donc, alors peut-être que c'était un étranger hein, en situation irrégulière en Bretagne, par exemple un Normand un petit peu perdu ou un Auvergnat quelconque, mais je ne sais pas. En tout cas, c'était surprenant et dans ces moments-là, on se dit, bah voilà, est-ce que ça vaut le coup vraiment de mourir pour aller jouer sur scène? Alors, il y a plusieurs écoles. Ça vaut le coup, on va dire, de prendre des risques, peut-être pas de mourir, hein, évidemment. Non, de prendre des risques, ouais. Non, mais ça vaut le coup de prendre des risques si c'est pour la première partie de Gérard Larcher, tu vois. Oui, voilà, ou de Laurent Gérard, ou de, enfin, voilà, des gros imitateurs. Mais oui, oui. Mais en tout cas, voilà, ça, je pense que c'est une anecdote que pas mal de gens peuvent avoir parce que ça fait partie un peu du truc de tournée, quoi. Et déjà, parfois, quand on est en train, on se sent nauséeux, un peu pas bien parce qu'on a fait 3h30 de train et qu'on se farcit, en fait, le type en voiture qui roule comme un fou, on a envie de vomir quasiment la moitié de ses tripes et même son poumon, son thorax, enfin, tout ce qu'on peut vomir, quoi. Il ne reste plus grand-chose à l'intérieur de la personne après, quoi. Donc voilà, ça fait partie des charmes de la tournée, on va dire. Mais des galères quand même, parce que pour moi, tout ça est... Voilà. Moi, j'aime bien être sur scène, je prends plaisir, mais tout ce qui est à côté, il faut le dire, c'est quand même un peu ingrat. Alors peut-être que c'est parce que j'ai 47 ans aujourd'hui, que peut-être que si j'en avais 20 et que je montais sur scène et que je faisais le Tour de France, voilà, ça me plairait, je trouverais ça rigolo. Maintenant, moi, j'aime bien le moment sur scène, mais tous les à côté, j'ai un peu de mal. D'accord. Ben après le truc, ouais, c'est compliqué. Hein. Moi, tu vois, quand je monte sur scène aussi, je suis content, mais tout ce qu'il y a autour, c'est dur. Mais je pense que c'est ce qui fait en même temps que la scène est si bonne, tu vois. Parce que si tu avais zéro galère autour, si tu avais absolument rien de négatif et que tu arrivais sur scène et que c'était toujours bon, je pense qu'on s'ennuierait et qu'on se lasserait, tu vois. Oui, peut-être. Mais c'est vrai que l'hôtel, par exemple, après l'hôtel, quand tu te retrouves tout seul après la scène, etc., c'est pas des bons moments quand même. Ah oui, la solitude de la chambre d'hôtel, c'est très connu. Mais tu vois, quand tu es sur scène, pourquoi tu donnes le meilleur de toi-même? Parce que tu repenses à Martine qui conduisait comme une tarée dans les virages, tu vois. Et tu repenses à la chambre d'hôtel dans laquelle le petit déjeuner est moisi. Tu repenses, tu vois, à la tache bleuâtre que tu as trouvée sur l'oreiller en arrivant. Tu vois ce que je veux dire? Tu repenses à tout ça. Et quand tu es sur scène, c'est pour ça qu'on dit aux gens, je suis vraiment ravi d'être avec vous ce soir. Tu vois, c'est, on ne peut pas faire plus sincère que ça. Donc, quelque part, les galères sont vraiment dures, mais elles nous permettent d'apprécier la scène et le public, tout simplement. Et c'était quoi, finalement, cette tache bleuâtre sur l'oreiller alors? Je n'ai pas la réponse. Et Parce que généralement, la tache bleuâtre, c'est moi qui la mets. Donc, je pense au suivant qui va passer derrière. Voilà. Non, mais le seul moyen, en fait, d'être satisfait de sa chambre d'hôtel, c'est de la salir et de penser à ceux qui sont derrière. Voilà, pour qu'ils vivent une galère encore plus terrible que nous. Mais après, ça dépend aussi dans quel hôtel on est. Hein. Il y a des coins, il y a des jolis hôtels. Enfin, voilà. Mais moi, je me souviens en Bretagne, justement, il y a une salle qui nous avait logés, mais alors dans un hôtel, mais près d'un rond-point, on était sur un rond-point comme ça, derrière il y avait un champ, et moi j'aime bien parfois, si je ne trouve pas le sommeil, parce que c'est dur, après le spectacle, l'adrénaline ne retombe pas comme ça, quoi. Donc on ne peut pas trop dormir, on est un peu agité, enfin, je pense que tous les gens qui sont sur scène connaissent un peu ce truc-là, on tourne un peu dans son lit 2 heures, et moi généralement j'aime bien marcher, du coup je fais 20 minutes de marche autour de l'hôtel, pour décompresser un peu. Mais là, c'était vraiment un lieu où on avait l'impression que si on sortait, une bête sauvage vous attendait et vous sautait à la gorge, quoi. Tellement c'était isolé et perdu, avec une vue sur les araignées. Enfin, y a des hôtels comme ça qui sont quand même incroyables. C'est-à-dire qu'on se retrouve au milieu de rien et on se dit, pour ma santé personnelle et mon espérance de vie, il ne faut pas que je sorte de cet hôtel. En fait. Ouais. J'en sors que demain matin quand il fera jour, parce que de nuit, c'est impossible, quoi. En même temps, très honnêtement, je veux dire, signer un autographe à un sanglier, c'est quand même stylé. Hein. Bah, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est vrai, j'ai pas pensé à ça, mais... Mais sur la page Wikipédia, voilà, ça peut avoir de la gueule quand même. Voilà, mais il ne faut pas penser qu'à sa page Wikipédia, sinon on en fait des bêtises. Finalement. Okay. Finalement. J'ai une pensée toute tendre pour les personnes qui ont pris des chambres d'hôtel après Tanguy Pastureau. Non, mais je plaisante, je suis un garçon très sage, très sage et très propre. Hein. J'ai appris la propreté très tôt, à l'âge de 16 ans et demi. Et donc du coup voilà, j'ai toujours respecté mes contemporains et respecté les chambres d'hôtel surtout. Je me dis que quand même il faut à un moment rétablir l'honneur de la France et l'honneur des Français par rapport aux chambres d'hôtel. On compte sur toi, 2022 est proche. Absolument, et on va reprendre, ça fait du bien et je pense que tout le monde en a besoin. Voilà, j'espère que tout ça va s'arrêter et qu'on va pouvoir reprendre une scène à peu près normale, quoi. Ah ben absolument. Avec une jolie tournée, des masques partout et du gel hydroalcoolique et tout va bien. Oh, oui, ça c'est pas un problème, on s'est habitué. Non. J'ai vraiment hâte de venir voir ton spectacle. Écoute, toi tu es à Marseille. Moi je suis à Bordeaux, moi. Ah, Bordeaux, pardon, mais qu'est-ce que je raconte? À Bordeaux, je passe l'année prochaine, voilà. Eh ben, génial. Au Théâtre Fémina. Ah, très bien, très belle salle. Il paraît. Alors, j'ai pas joué mon spectacle là-bas, mais j'ai déjà joué des premières parties et franchement. Ouais. C'est, pour moi, c'est la plus belle salle de Bordeaux. Ah bah tant mieux. C'est 1200 places. Quand t'as 1200 Bordelais qui en plus ont beaucoup d'humour et tout, quand t'as 1200 Bordelais dans la salle, c'est vraiment un raz-de-marée qui t'emmène à chaque blague, quoi. Ah bah tant mieux. D'autant que moi je suis né à Pessac, j'avais des grands-parents du côté de Blaye et tout, donc je connais un peu le coin. D'accord, ah bah oui, bien sûr, t'es du coin à la base. Oui, un peu local, je n'y ai pas passé longtemps parce que mes parents sont rentrés vite en Bretagne, mais voilà, ma mère était bretonne, mon père est tombé amoureux un petit peu de la région en même temps. Mais je suis juste né là-bas et c'est vrai que j'ai passé toutes mes vacances à Bassin-Arcachon, tout ça. Donc voilà, j'ai vraiment une attache spécifique à Bordeaux. Je me souviens arriver en gare de Bordeaux-Saint-Jean pour aller rejoindre mes grands-parents au bassin et tout. Donc tout ça pour moi, c'est des souvenirs. Et à chaque fois que je passe en gare de Bordeaux, j'y repense, quoi. Les gares, c'est des espèces de balises comme ça où il y a tous les souvenirs qui s'entassent un peu, quoi. C'est ça. Exemple, la gare de Metz. La gare de Metz, j'ai rien à voir avec Metz. Mais la gare de Metz, je me souviens, déjà, il y est descendu 3-4 fois pour des spectacles. Je vois l'intérieur, je me souviens de 2-3 trucs. Enfin, c'est marrant, quoi. Au fur et à mesure des dates, on a des souvenirs qui s'accumulent à des endroits où, même à la base, parfois, on avait... on n'a aucun repère. Oui, j'ai l'impression que c'est une mémoire visuelle. Dès que tu vois les images, ça te rappelle le moment où tu y étais passé, tu vas te rappeler du spectacle et tout. L'évolution aussi, oui. Oui, voilà, bien sûr. Ouais. Et l'avantage avec Bordeaux, tu seras le bienvenu chez toi finalement. L'avantage avec Bordeaux, c'est que le code de la route est le même qu'en France, donc tout va bien. Voilà, et qu'en Bretagne, donc. J'ai les mêmes risques de mourir, quoi. Non, il n'y a pas de code de la route bordelais. Non, il y a vraiment. C'est le même, il est standard, celui-là. D'accord. De toute manière, je pense que de la gare à la salle, il n'y a même pas besoin de prendre de voiture, donc ça doit aller. Un petit peu quand même, si. Ah, c'est quand même, d'accord. Mais tu peux prendre. Si tu veux, si ça te rassure, tu peux prendre le tram. D'accord, il y a tout, c'est incroyable cette ville. Il y a tout ce qu'il formidable. Faut. Formidable. Il y a beaucoup de Parisiens aussi maintenant. Hein. Oui. On en reçoit de temps en temps, on a du stock. Oui, d'accord. En même temps, franchement, beaucoup de gens les critiquent, mais très honnêtement, est-ce qu'on ne ferait pas la même chose, nous? Vivre à Bordeaux quand on est à Paris? Oui, bien sûr. Bien sûr. Tu travailles à Paris et tu sais que tu vas mettre le même temps pour rentrer à Bordeaux que c'est sûr. Dans un truc en banlieue ou quoi. Donc là, hop, tu pars. Et t'habites pour le dixième du prix de la maison, quoi. C'est évident. Voilà. Bien sûr. Ouais. Merci Tanguy pour ces belles anecdotes. Merci à toi. C'était un plaisir, vraiment. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Sur tous, Facebook, Twitter, Instagram. Voilà, j'ai des pages à mon nom, Tanguy Pastureau. Vous chercherez parce que je ne vais pas sortir tous les noms de pages. Je les trouverai, il n'y a pas de souci. Très bien. Et puis surtout sur scène bientôt. Et bien sûr. La radio, ça on le sait, c'est pas un truc. Mais j'ai hâte que ça reprenne et qu'on s'amuse. Voilà. Bien sûr. Tu as une chaîne YouTube aussi, Tanguy Pastureau? Alors, je crois, mais non. Ma chaîne YouTube, en fait, c'est France Inter. Qui balance les chroniques en permanence. Et donc, en gros, j'ai pas pour l'instant besoin de chaîne YouTube parce que tout le contenu que j'ai, c'est le contenu de la radio. Et voilà, le jour où j'éditerai du contenu moi-même, bien sûr, j'ouvrirai ça, mais j'en suis pas encore là, en fait. Je sais pas si c'est une question de génération ou d'envie, mais pour l'instant, j'ai tellement de taf entre la radio et la scène que du coup, je vois pas ce que je pourrais faire en plus, quoi. Puis j'ai peur de saouler les gens aussi, hein. On peut pas être partout tout le temps. Enfin voilà, faut pas. Eh ben écoute, y a pas de souci. Je mettrai Facebook, Twitter et Instagram, et je mettrai la chaîne YouTube de France Inter. Eh ben c'est super, formidable. Parfait. Avec du bon travail. Merci. Eh ben pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, Sofiane Etaï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous à tous, même à toi là-bas.